Il a copié sur son voisin, interdit de jouer à la balle. Ne touche pas ton pipi, c'est sale, et fais la bise à ton cousin. Rac, tiki, rac, la famille et l'école. Rac, tiki, rac, pique, pique, camisole. Forcé, formé, coincé, bloqué. Coupé, cassé, lavé, secoué, vidé, réfrigéré. Ça y est, c'est prêt, vous pouvez déguster. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ça, c'est un bon garçon tout rond. Un garçon sans histoire, faut voir. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coupe tes cheveux et ferme-la. Au bout de 12 mois de service, on a un homme qui marche au pas. Rac, tiki, rac, de l'école à l'armée. Rac, tiki, rac, le voilà éduqué. Forcé, formé, coincé, bloqué. Coupé, cassé, lavé, secoué, vidé, réfrigéré. Allez, rompez, vous pouvez disposer. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ça, c'est un bon soldat tout droit. Un soldat sans histoire, faut voir. Il faut choisir un bon métier. Payer l'auto avec des traites. La vie, c'est fait pour travailler et cotiser à sa retraite. Rac, tiki, rac, la jolie société. Rac, tiki, rac, y a pas de débouché. Forcé, formé, coincé, bloqué. Coupé, cassé, lavé, secoué, prédestiné. Machin, André, profession, policier, à voter. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ah, vous m'en direz des nouvelles. Ça nous donne un bon citoyen. Et ses enfants sont en bonne main. Il a copié sur son voisin. Interdit de jouer à la balle. Ne touche pas ton pipi, c'est sale. Et fais la bise à ton cousin.